Oye, dame besos en la boca. Uno de esos que a mí me provoca. Yo te tengo duro como roca. Yo te tengo crazy, loca, loca. En la boca. La boca, la boca, la boca. Chica, chica, mami, salsa en la boca. Oye, papi, ¿cómo tú estás, Bel? La gente hablando como loca. Million, elle veut mes millions. La demoiselle me trouve mignon. Ouais, ouais, ouais, l'argent ça rend mignon. Parle à mon agent, j'termine mon filet mignon. Et la boca, la boca, la boca, la boca. La boca, la boca, la boca. La boca, la boca, la boca. M'attends pas. Tu fais mal à la tête qu'on m'accompte. Je suis posé la suite au méridien, ne m'attends pas. Chaque fois que t'ouvres la bouche, c'est un attentat. Tu me gustas porque tu me tocas como nadie. Tes copines ont les yeux sur moi, c'est chaud à ce qui paraît. Me quito la ropa aunque sea Gucci o Versace. Chica, chica, rica, rica, je vais te faire cantar la boca. Una loca loquita. Je donne ma langue au chat. Elle parle plus que mon avocat. La boca, la boca, la boca. La boca, la boca, la boca. La boca, la boca, la boca. En la boca. La boca, la boca, la boca. La boca, la boca, la boca. La boca, la boca, la boca. Oye, dame besos en la boca. Uno de esos que a mí me provoca. Yo te tengo duro como roca. Yo te tengo crazy, loca, loca. J'ai la boca, j'roule un pet, j'rentre dans la boîte en survette. Ouais, ouais, ouais, j'fais des hits, j'ai la recette. J'ai la boca, j'roule un pet, j'rentre dans la boîte en survette. Ouais, ouais, ouais, j'fais des hits, j'ai la recette. Et la boca, la boca.